Le ptio. C'est le colo qui l'a dit lui-même, de sa bouche, devant témoin, mon vieux. T'es un brave, et paraît même que t'es proposé pour la médaille. Moi, je suis un brave, parce que j'ai été coupillé du fil de fer sous le nez des boches. La première fois, c'est possible que ça m'ait gêné la digestion. Mais à présent, ça me fait plus. Ça me fait pas plus que d'aller tailler un arbre fruitier dans mon clos. T'exagères, brochu. T'aimerais mieux ébonder tes poiriers dans ton clos. J'exagère pas plus que si je vous dis que je suis pas un brave, mais un salaud. T'exagères encore, brochu. Pourquoi que tu t'extermines quand tu viens de couper le fil des boches comme de la chicorée? Le colo, il sait ce qu'il dit, peut-être. Le colo, c'est ce qu'il dit. Je vois pas à l'encontre. Mais moi, je sais ce que je suis. Cependant, vers 3 heures du matin, comme on allait profiter de l'ouvrage accompli par Brochu, qui méritait l'éloge prononcé par le colonel, et l'attaque était imminente, Brochu dit à ses compagnons, Janvier, Pilar et Sauvage. « C'est pas le tout, mes potes. Ça va barder avant que le soleil soit levé. Eh bien, il faut que je vous l'explique, pourquoi que je suis ce que je vous ai dit. C'est à mes derniers 6 jours. Ça remonte loin. 9 mois et 3 semaines. Ça se trouvait dans un village, à l'arrière, chez une bonne dame qui m'avait hébergé. Moi, je suis des paysans envahis. Plus de famille, plus de maison, plus rien. Alors, quand j'ai eu dormi 48 heures, le temps m'a paru long. Le cafard m'étranglait dans ce patelin, où j'étais pourtant au chaud et au sec, à l'abri des marmites. Alors voilà, j'ai pris mon plaisir avec une fille. T'es chouette au moins, ta gonzesse? J'ai point demandé ça. Elle me demandait rien, elle. Mais j'ai reconnu qu'elle était honnête. Et Brochu, sous son râle, rougit. V'là ce qui me taquine depuis ce temps-là, ajouta-t-il. J'aurais pas dû faire ce que j'ai fait à une fille honnête, sans le mariage. Mais tout de même, attendez voir, j'ai promis que si elle avait des ennuis par ma faute, j'étais homme à accorder réparation. Et elle a eu des ennuis? Tenez, dit Brochu en sortant ses papiers, d'où faillit tomber le carton épais d'une photographie. La pauvre fille s'était fait tirer candidement, grosse de 8 mois au moins, et en pied. Cette image ne représentait qu'un ventre énorme, surmonté d'une petite boule assez disgracieuse, qui était la tête. Brochu vit tout de suite que ses copains ne la trouvaient guère affriolante. Il dit « Ce n'est pas tant elle, pardi, mais c'est le ptio. L'aide-moi, je le renierai point, j'épouserai. » « Tu vois bien que t'es pas si vaurien. »« T'as été un peu vif, dit Janvier. T'as le sang jeune, et puis c'est la guerre, tiens. »« Et puis quoi ?» dit Sauvage. « C'est un petit Français que t'as fait. »« Un petit Français sans père, » soupira Brochu. « Sait-on ce que c'est? Et dire que dans 10 minutes, je peux être zigouillé. » Et en effet, le soldat Brochu reçut 3 balles, dont une au ventre, en mettant le pied dans la tranchée boche que sa section dut nettoyer avant de pouvoir s'occuper de lui. Les 3 copains étaient debout, l'un d'eux égratigné à peine. Ils virent Brochu s'affaisser sur un matelas de grand corps gris dont la face était plaquée dans la terre, et leur joie d'avoir pris la tranchée fut gâtée. Brochu, qui tournait de l'œil, les sentant pencher au-dessus de lui avec leur voix amicale, eut encore la force de dire « C'est le pauvre Ptio !» Ses doigts tremblants désignaient la poche où étaient ses papiers. Et avec une préoccupation paternelle, il quitta cette vallée de misère. Il fallut subir et repousser la contre-attaque, s'organiser de nouveau. Après quoi, Pilar, Sauvage et Janvier allèrent à la recherche du corps de Brochu. Tous les 3 célibataires avaient eu spontanément la même idée. Et chacun d'eux confiait aux autres. « Moi, je sais bien ce qu'il me reste à faire. » À quoi chacun des autres répondait. « Qu'est-ce que t'as à faire, toi, gros malin ?» Ils atteignirent l'officier qui avait déjà entre les mains les papiers enlevés à la poche des morts. « C'est rapport à Brochu, mon lieutenant. Une photo avec l'adresse de la personne au dos et puis tout. » Il nous avait donné ses instructions avant l'attaque, dit Pilar. Moi, c'est pas tout ça, dit Janvier. Je commence par déclarer que je suis prêt à épouser la personne. Moi de même, dit Pilar. Moi pareillement, dit Sauvage. Ah ça, mes enfants, vous êtes fous, dit l'officier. 3 pour 1. Voyons donc celle qui a un pareil succès. Et tandis qu'il feuilletait les papiers de brochu, l'épais carton lui tomba dans la main. Il vit ce ventre énorme, cette chétive tête, et un imperceptible sourire effleura sa lèvre. Mais la pitié et aussi l'admiration du sentiment qu'il devinait chez ces trois hommes l'emportèrent. « Il faut jouer à pile ou face, » dit-il. Sans rien trouver de comique à la proposition, les trois hommes, successivement, lancèrent une pièce de 10 centimes. Le sort désigna Janvier. Le brave garçon se réjouit, comme s'il avait gagné quelque chose. Le sous-lieutenant tenait toujours la pitoyable photographie à la main. Janvier dit, en regardant celle qu'avait séduite Brochu, « C'est pas tant pour elle, mon lieutenant. C'est rapport au pauvre Ptiou. » Lue par Sabine, pour Audiocité, sous la licence Art Libre.